Chapitre 18. La saisie. Les toasts chauffaient doucement sur le grill. Le beurre, le miel, la crème, le citron, le sucre, le thé attendaient sur la table couverte d'une nappe de toile rose aux broderies blanches. Oranges, pommes, bananes s'épanouissaient dans une grande corbeille. Un petit bouquet de primevère fleurissait discrètement la table. Le soleil printanier, se glissant à travers les rideaux blancs, jetait un coup d'œil souriant sur la petite salle à manger claire. Tout était prêt. May regarda la montre. 8h20. Jonathan Smith ne paraissait jamais pour le déjeuner avant 8h10. De moins 25 à moins 10, Jonathan Smith se rasait. May soupira, s'approcha de sa corbeille à ouvrage, en tira une paire de chaussettes marron striées de vert et, s'asseyant à la fenêtre, se mit à les repriser. Une semaine s'était écoulée depuis la disparition de Jim et aucun message de lui n'était parvenu à Guildford. Il la suivit quand même, murmura May, et une larme tomba sur la chaussette de Jonathan Smith. L'heure réglementaire avait passé, 8h-3. Il était évident que le rasoir avait dû se dérégler. Soudain, May frémit. Elle venait d'apercevoir par la fenêtre la silhouette familière du facteur qui s'approchait de la grille du jardin. Il n'apportait sûrement, comme hier et avant-hier, que le journal. Mais peut-être... D'un pas ailé, May courut au-devant du bonhomme qui lui tendit, avec le courrier de Guildford, une lettre timbrée de France. L'adresse était de l'écriture de Jim. Sur le seuil de la salle à manger, May se heurta à Jonathan Smith qui sortait de son cabinet de toilette. « Joe, Joe » fit-elle haletante, « une lettre de Jim !» Jonathan Smith fronça les sourcils. Il n'aimait pas les émotions avant le premier déjeuner. Cependant, il décacheta la lettre que lui tendait sa femme, la lut d'un bout à l'autre et la lui tendit. « J'attire votre attention, mais, dit-il, sur le fait que cette missive s'adresse au chef constable plutôt qu'aux frères. Aucune de vos amies de Guildford ne doit en connaître le contenu. Je n'ai pas de secret pour mon épouse. Je prends sur moi d'affirmer que dans l'avenir, comme par le passé, elle ne me fera pas regretter la confiance que j'ai en elle. » Et Jonathan Smith s'assit devant son déjeuner, cependant que May parcourait fiévreusement la lettre. Elle la terminait lorsque retentit la voix du chef constable. « May, mes toasts sont brûlés !» Et il ajouta « C'est la première fois depuis 3 ans !» La jeune femme rougit, laissa échapper la lettre et, balbutiant quelques mots d'excuse, se consacra entièrement au déjeuner. À 8h25, elle demanda timidement « Que comptez-vous faire, Joe ?» « À quel sujet, mon enfant ?»« Au sujet de Jim. » Et elle ajouta, avec une vivacité inaccoutumée, « Il faut agir sans tarder. Vous pouvez confier à Jenkins les affaires courantes à Guildford et prendre des mesures immédiates pour... » Jonathan Smith leva la main. « Les mesures que j'ai à prendre seront envisagées au moment opportun. Une précipitation injustifiée ne saurait que nuire à mes desseins. Ma première tâche est d'expédier les affaires courantes. » « Plus tard, je m'occuperai de ce que je jugerai utile. »« Mais il faut tirer Jim de sa cachette. Il faut avertir la police de Londres. On ne peut pas le laisser éternellement là-bas avec cette personne. »« Mais, dit sévèrement le chef constable, vous n'avez aucune expérience de ces affaires. Occupez-vous du lunch et n'essayez pas d'intervenir dans les règlements de la police. En ce qui concerne mon pauvre frère, je consacrerai la soirée à la réflexion. » Et la journée de demain à l'action. Je l'ai toujours dit, James a trop d'initiatives. Aujourd'hui à midi, mais je désire manger un rum steak. J'aurai à me fortifier pour la tâche pénible qui m'incombe, la position des scellés sur White Manor, la propriété de Lady Gwendoline Ormsby. Les réclamations urgentes des créanciers et l'insolvabilité de Lady Gwendoline appellent cette mesure. Elle paraît quelque peu précipitée, mais Scotland Yard a adressé des recommandations spéciales au coroner. J'ai rendez-vous au White Manor avec les autres fonctionnaires. Mais, à qui décidément, l'émotion faisait oublier que son mari avait l'habitude de faire le contraire de ce qu'elle lui conseillait, murmura d'une voix lasse. « En tout cas, il est inutile que je m'y rende aussi. Je ne pourrai aider en rien cette pauvre Lady Gwendoline, et d'ailleurs aujourd'hui, je ne serai guère en état de le faire. » Jonathan Smith ajusta son lorgnon. « Au contraire, vous pourriez nous être d'une utilité extrême. C'est une idée qui me vient à l'instant et que je suis fortement décidé à réaliser. Il est évident qu'après avoir eu la négligence et la maladresse d'abandonner sa fortune à son mari, victime d'une maladie mentale en même temps que d'une troupe de bandits, Lady Gwendoline ne mérite plus notre estime totale. Cependant, elle reste quand même une lady, et dans aucune circonstance, nous ne devons perdre le respect de la noblesse. D'autant plus que, comme je l'ai entendu dire hier encore par M. Price, elle a conservé en Irlande des parents fort riches. Au dernier moment, la situation peut encore être sauvée. En tout cas, en ce jour, votre présence amicale atténuera l'humiliation qu'un devoir pénible nous oblige d'infliger à Lady Gwendoline et adoucira le coup porté par la loi. La saisie doit avoir lieu à 3 heures. Après le lunch, tenez-vous prête à m'accompagner. « Joe !» se plaignit doucement May. « Je suis très fatiguée. J'ai la migraine et mon bras me fait encore un peu mal. » Quand le devoir nous appelle, nous devons subir stoïquement nos maux personnels et passagers. Estimez-vous heureuse, mon enfant, d'être autorisée à collaborer au travail de la justice. » À 2h30, le chef constable montait dans la voiture de la police, suivi par sa femme et par le servant Jenkins, qui s'assit respectueusement sur le bord de la banquette de devant. « Le temps est singulièrement capricieux, » déclara Jonathan Smith. « Par ces giboulées de mars et d'avril, la température est complètement déréglée. Mais je crois pouvoir affirmer que bientôt, le soleil dardera sur nous ses rayons de feu. Après la pluie, le beau temps. Quand nous irons en vacances, je penserai à acheter une petite voiture. De nos jours, une automobile n'est pas un luxe, c'est une nécessité. » L'auto, à une allure modérée, suivait la route de Guildford à Godalming, non loin de laquelle était situé le manoir. « Vous rendez-vous compte, Jenkins ?» interrogea le chef constable, « de la portée de l'acte auquel nous allons procéder ? Une saisie est la mesure par laquelle l'intangibilité de la police se manifeste le plus visiblement. Tout individu, avec ses biens meubles et immeubles, peut être soumis à une saisie. Seule la loi et ses représentants sont insaisissables. « Joe !» dit timidement May en posant la main sur son bras. « Où allons-nous ?» Jonathan Smith jeta un regard par la portière. « Mais ce n'est plus la route de Godalming. Pourquoi le chauffeur fait-il ce détour ? Jenkins, demandez-le-lui. » Jenkins frappa quelques petits coups contre la vitre. Le chauffeur, sans se retourner, accéléra. Le sergent frappa plus fort. Pour toute réponse, la voiture se mit à rouler à une allure endiablée. Mais, avec un petit cri, s'accrocha peureusement au bras de son mari, qui était devenu cramoisi. « Stop !» cria-t-il. « Stop, stop ! Arrêtez, Lewis ! Vous serez traduit en justice. Vous serez jeté en prison. Stop ! Arrêtez-vous, vous dis-je ! Vous serez condamné aux travaux forcés. » La voiture roulait toujours. Jonathan Smith se retourna vers Jenkins et déversa sur lui un torrent d'imprécations fulminantes. « Sergent, je vous ai pardonné une fois quand vous avez assommé mon pauvre frère, mais celle-ci sera la dernière. Au lieu de vous assurer que tout était en ordre, comme il était de votre devoir, vous nous avez remis entre les mains d'un chauffeur ivre. Il finira par verser dans un ravin. Nous nous casserons tous les reins. Je l'arrêterai, vous dis-je. Au nom de la loi, je... » Brusquement, la voiture stoppa. Le chauffeur descendit tranquillement et ouvrit la portière. Avant que les 3 occupants eussent pu faire un geste, plusieurs hommes, debout devant une grande limousine noire qui attendait sur la route, les avaient immobilisés à l'aide de cordes et de bâillons et les avaient transportés dans leur voiture. Quelques instants plus tard, la limousine noire filait à toute vitesse dans la direction de Londres, emportant le chef constable, sa femme et son sergent. Dans la voiture vide abandonnée sur la route déserte, il ne restait, pour tout témoin de la saisie, que le petit mouchoir blanc de May et le cache-col marron strié de vert de Jonathan Smith.